je n'avais plus rien à rêver. Je n'avais plus rien à chanter. Quand tu es venu m'apporter, toi, l'aventure. J'avais organisé ma vie. J'étais bon père et bon mari aussi. C'était classé, c'était fini, fini l'aventure. Ouais, j'avais le dos au mur. Ouais, j'avais besoin d'air pur. Bien sûr, je ne cherchais pas, mais j'étais prêt à n'importe quoi. Et voilà qu'un coup de printemps m'a réveillé au bon moment. Je l'ai mordu à pleines dents, moi, l'aventure. On ne peut pas tomber plus bas. Souvent, je suis rentré chez moi en espérant que ça se voit sur moi, l'aventure. Mais voilà, on m'aimait bien. On a fait semblant de rien, comme s'il était naturel que je me paye un joujou pareil. Maintenant tout est comme avant, et je suis rentré dans le rang. Mais quand j'entends chanter le vent, j'entends l'aventure.